les tendres ardeurs qui font vivre deux cœurs dans une même envie. On ne peut être heureux sans amoureux désir. Ôtez l'amour de la vie, vous en ôtez les plaisirs, vous en ôtez les plaisirs. Ôtez l'amour de la vie, vous en ôtez, vous en ôtez les plaisirs. Serait doux d'entrer sous l'amoureuse loi si l'on trouvait un amour de la foi. Mais hélas, aux rigueurs cruelles, on ne voit point de bergères fidèles. On ne voit point de bergères fidèles. Et ce sexe inconstant, trop indigne du jour, doit faire pour jamais renoncer à l'amour. Et ce sexe inconstant, trop indigne du jour, doit faire pour jamais renoncer à l'amour. Aimable ardeur, franchise heureuse, sexe, sexe, ton père, que tu m'es précieuse, que tu plaises à mon cœur, que tu me fais d'horreur, que tu m'es précieuse, que tu plaises à mon cœur, que tu me fais. À qui te pour aimer cette haine mortelle? On peut te montrer une bergère fidèle. On peut te montrer une bergère fidèle. Hélas, où la rencontrer? Gloire, je te veux offrir mon cœur, je te veux offrir mon cœur. Mes bergères, puis-je croire qu'il ne sera point ton peur? Voyons par expérience qui des deux aimera mieux, qui manquera de qui manquera de constance, ne puisse perdre les dieux à des ardeurs si belles. Laissons-nous enflammer, laissons-nous enflammer. À qui les doux d'aimer quand de cœur sont fidèles? Oh, À des ardeurs si belles, laissons-nous enflammer, laissons-nous enflammer. À qui le goût d'aimer, quand nos cœurs sont fidèles. À qui le goût tout. Oui. Je trouve cela bien troussé. Il y a là-dedans de petits dictons assez jolis. Voici pour mon affaire un petit essai des plus beaux mouvements et des plus belles attitudes dont une danse puisse être variée. Sont-ce encore des bergers? C'est ce qu'il vous plaira. Allô? Messieurs, gravement! Allons, messieurs, plus vite, ceci. Gravement, ce mouvement de sarabande. Suivez bien le mouvement. Cette gaillarde. Messieurs, donnez de l'accent à cet air de Canaries.